Thank you. Allez, Youssef. Thank you. gustas? Ouais, je sais. Camarade Bruce. Vodka. Sers-moi une vodka, vous savez. On se prend pas la tête, moustache. Allez, va travailler un peu. Va bosser. Macias sort de ce corps. Para para Mais avec vous. Merde. On n'aurait pas dû parler d'Enrico Macias. Kamerad Bolskovic. Pourquoi je suis que d'un côté là, tu vois ?